n'ai pas vu. Des frérots à moi ont perdu la vie. La rue, la vraie, la vraie, la vraie. La rue, la vraie, la vraie, la vraie. La rue, la vraie, la vraie, la vraie. La rue, la vraie, la vraie, la vraie. Tu dis que t'es disculpé d'une grosse affaire à cause de ton malheur. Mais on sait que ta lance va que t'es passé aux aveux. La rue c'est pas un jeu, personne te serre la main, même si tu fais un vœu. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que c'était faux. T'as fait pleurer sa mère, son fils est derrière les barreaux. Il a pris 5 ans ferme, la drogue était chez toi. C'était ton pote mais toi tu n'as pas hésité à le lance-bas. On t'a passé à tabac, toute ta vie tu regretteras. Ta famille déménagera. C'est la rue, c'est la connu la rue, la vraie. Dieu merci, je suis encore en vie. Dis-moi ce que je n'ai pas vu. Des frérots à moi ont perdu la vie. On a connu la rue, la vraie. Dieu merci, je suis encore en vie. Dis-moi ce que je n'ai pas vu. Des frérots à moi ont perdu la vie. La rue, la vraie, la vraie. Depuis longtemps, t'assumeras les conséquences maintenant. Tu travailles comme escorte à plein temps. T'es survivastri dans sous-vêtements. Tu connais pas le père de ton enfant. T'es sous cocaïne, t'as besoin de ta dose. T'as fait une overdose. T'avais juste à te doser. T'as fait une overdose.